L'ange gardien. Sous le regard d'un ange gardien, tombe une plume sur la plage. Là où deux fleurs s'épanouissent, embellissant le paysage.